moins rivé par des nids Colombie, moins paru connaître pays moyen, moins pour comme était pied moins à terre. Caroline Jacques a fait moins y être doux, moins rivé par des nids Colombie, moins paru connaître pays moyen, moins pour comme était pied moins à terre. Caroline Jacques a fait moins y être doux. Caroline qui a fait tout le monde courir, j'ai mis pas le délicieux. Caroline sentit funky tout, sous le waving et bol à trois heures. Tous les souhaits du bout de Bachango, qu'à côté de la musique a veillé tout le tour. Et mon roi m'a venu tout contour, sans façon à déclarer l'amour. Mais après de moi nous t'es ensemble, Caroline dis-moi de doigts nous finir bizarre. Les mots vraiment venus tout contents, sans façon à déclarer l'amour. Mais après de moi nous t'es ensemble, Caroline dis-moi on y trappe fin. Caroline sentit funky doux, Caroline sentit funky chaud. Caroline l'a fait tout le monde courir, j'ai mis pas les déliches. Les souhaits de votre bachango, qu'à côté la musique a veillé tout l'auto. Caroline qui a fait tout nom courir, j'ai mis pas les déliches. Caroline sentit funky doux, sous les waving et bol à trois heures. Tous les souhaits de votre bachango, à côté de la musique a veillé tout le tour.